Il est 19h, on fait juste un petit breaking news avec l'info internationale et nationale sur Espace, la plus normande des radios et le retour de Funky Mix dans un instant. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. La crise des gilets jaunes et Emmanuel Macron qui recevra les partenaires sociaux demain à partir de 10h. Les 5 syndicats représentatifs CGT, CFDT, FO, SFE, CGE et CFTC ainsi que 3 organisations patronales MEDEF, CPME et UDP seront reçus. Des représentants d'associations et des élus locaux devraient également participer au rendez-vous. C'est d'ailleurs en début de semaine que s'exprimera le chef de l'État, a confirmé le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Si la teneur du discours n'est pas encore connue, le président de la République devrait annoncer des mesures fortes après 4 semaines de contestation des gilets jaunes. Et pour sa seule prise de parole officielle du week-end, Emmanuel Macron a hier, en fin de soirée, eu un mot pour les forces de l'ordre mobilisées dans toute la France au terme d'une nouvelle journée de manifestations et de violences. À toutes les forces de l'ordre mobilisées aujourd'hui samedi, merci pour le courage et l'exceptionnel professionnalisme dont vous avez fait preuve, a tweeté le président de la République, dont une nouvelle allocution est donc attendue en ce début de semaine. L'acte 4 des Gilets jaunes a été violent hier dans la capitale et un peu partout en France. Les chiffres sont impressionnants. 89 000 policiers et gendarmes pour environ 125 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur. Au total, il y a eu 2 000 interpellations, dont 1 220 placées en garde à vue, tandis que 200 personnes ont été blessées, dont plusieurs policiers. Et pour Bruno Le Maire, les troubles liés aux gilets jaunes sont une catastrophe pour notre économie. Les heurts et blocages liés aux manifestations des gilets jaunes sont une catastrophe pour l'économie, a estimé le ministre de l'économie, évoquant une crise de la nation. Dans le reste de l'actualité, terrible tragédie à Bourg-Fidèle dans les Ardennes. 3 personnes, dont une fillette de 5 ans, sont mortes ce matin après qu'un incendie se soit déclaré dans une maison de la commune. Les pompiers privilégient la piste d'un insert qui aurait provoqué le feu. La maison située à l'entrée de la commune a été totalement ravagée. Le championnat d'Europe de hand féminin et la France et la Suède se sont séparés sur un match nul, 21 partout. Écoutez, Espace. La plus normande des radios. Funky Mix. Funky Mix. La première émission dance classique. wanna spark me up, make her good there uptown, but she didn't really know how to bring it down. Then she cut it up hard, she cut it up good, she knew everybody in the neighborhood. She's 17 now, with finesse and style, on because she's versatile, making more currency than any MC, just trying to live a hip fantasy. Her name is Shaniqua, she's mighty mean, back on the scene with the beat machine. I was born and raised with the man in my hand. Espace avec Bonne Rock. Ici, c'est l'historique de la musique funk. C'est même le musée. L'entrée est totalement libre. Vous allez pouvoir entendre le groupe Sky, Mez, dans un instant, et Cameo, chez Strange, en mode total cool tempo sur Espace. Funk, funky mix. Oh funk, sweet funky mix. Funky mix. She turns me on with a special concern. Now I'm a different guy and I don't compare to many. But next to her, I'm plain ordinary. Not many can see the light blue aura that surrounds the girl wherever in the world. She's a 9, a 10, a 20, 50. She's bittersweet and a taco treat. She's great. And I like it. She's strange. Just the way she is. Strange. Walking down the avenue. She's person everybody knows. She reeks distinction from head to toe. She's my Twilight Zone, my Al Capone. She's my Rolling Stones and my Eva Peron. And I like it. Yes, I like it. I like it. The way she wears her hair, yeah. And I like it. Funky Mix Show. Funky Mix. Number one in disco music, soul music, and funk music. Funky Mix. Funky Mix. Funky Mix. I'm just happy to see you. Funky Mix. Numéro 1 sur le funk. Sur le funk. Numéro 1 sur le funky. Are you watching me? Watching you. Funky Mix. Funky Mix. Number 1. Our patient is funk music. Our patient is funk music. Let's Celebrate, c'était en 81. J'ai pour vous Edwin Starr, ça va être totalement disco. On va fêter ça ensemble. Je sors mon moule coco et puis ma plume que je laisse sur l'épaule pour le moment. On verra ce qu'on en fera après. C'est Donna Summer qui arrive juste après Funky Guitar. On fait un petit détour dans le début des années 90 pour vous sur Espace. gentlemen, this is your captain speaking. Welcome on Funky Mix Airlines. Have a good flight. Higher, stronger than ever before. Oh yeah. Hot Tempo. Radio avec Edwin Starr, gros star hein, de la musique disco. C'est maintenant le moment de mixer pour vous en non-stop. Écoutez, vous êtes sur Espace. Et j'ai bien l'impression qu'on se fait plaisir là. Funky Mix. 15 minutes mix. De musique funky. The boogie's gonna get you. Funky Mix. I'm gonna Funky Mix in the mix.

been saving no souvenirs, faded photographs from our foolish years. We made plans, but they weren't thin, and they won't work out, cause I won't fit in. And those memories would just weigh me down, cause I got no place to keep them uptown. Passe avec Peter Allen, 1983. Cette année était riche. Deux sons qu'on écoute ensemble maintenant. Madonna, Physical Attraction et Love Sody par Tonelli tout de suite. Sur Espace et sur Espace.fm, vous nous écoutez avec le player. I'm out of control, I'm falling, I know it. Nothing can save me. Baby, I'm too far gone. If it seems like I'm dreaming, don't wake me. Cause every time you touch me, you take me down in love. So deep, so much deeper in love. So deep, I'm falling, falling in love. So deep, my soul, to keep you take. Classique. Funky. Mix. Mix.